Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert! Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, on va entendre plein de nouvelles musiques qu'on a reçues pour, comme ça, pour la première fois sur les ondes de C'est fou. Vous n'avez jamais entendu ça, moi non plus. Donc, vous allez suivre avec moi et découvrir des choses, je l'espère bien. On va entendre le nouvel album de Krasputin qui s'appelle Peur et dégoût à Kandahar. Il va aussi y avoir la compilation Rêver logique, 12 chansons engagées pour un Québec sans pauvreté. Il va y avoir les tire-bouchons avec l'album Turo bon pour la radio. On va entendre l'album solo, le premier le projet solo en français du membre fondateur du groupe Plagiat. Donc c'est Patrick Plo avec Hype Moi. Mais on va débuter avec le nouveau maxi, le premier maxi dont on a créé un monstre, de formation qui tourne depuis quelques temps ici à C'est fou avec quelques pièces qu'on avait reçues. Elle se retrouve aussi, en tout cas au moins une d'entre elles se retrouve, je regarde ça sur leur maxi, dont on a créé un monstre. On commence avec la pièce Pow Pow le loup. Et ça se passe maintenant dans le poste d'écoute avec un très enrhumé Mathieu Plante. Au 89 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Un autre jour s'étend sur mes épaules et je n'ai pas le dos. Notre nuit disparaît quand tu me tournes le dos et tes soupirs me fouettent le corps. Assis en indien sur mon balcon, assis à remuer mes idées noires. La tête au vent sans capuchon, un loup prend possession de mon corps. Je ne peux m'arrêter de penser à cette époque où l'air avait une saveur. Je ne peux m'arrêter de voir novembre. Et ce soir où tu as volé mon cœur, il y a toi, il y a moi, il y a tout le monde à l'intérieur de nous que je ne peux tolérer. Une bouteille pour un À l'intérieur transporteur à l'intérieur. Quand ta soeur froide cause sur ma tempe gauche, et si seulement j'arrivais à te lérer un tel instant. Autant pas je te hais, autant pas je te blâme. Un avion décolle et emporte mon cœur. Autant pas je te hais, autant pas je te blâme. Un avion décolle et emporte mon cœur. Les trois premières pièces du nouveau maxi de On a créé un monstre, ça c'était la pièce d'Orval que vous connaissez peut-être parce que ça tourne quand même assez fou depuis longtemps, mais ça c'est un nouvel enregistrement. En vrai, il y avait Nuit sur la piste et Pow Pow le loup, deux toutes nouvelles pièces que j'avais jamais entendues dans On a créé un monstre. Et il y en a deux autres d'ailleurs sur le maxi, Héroïne et Scaphandre. Parlons un petit peu d'On a créé un monstre qui rend disponible son premier EP éponyme. Après 6 mois d'enregistrement, la formation OACUM lance son premier EP produit de manière indépendante. Ce mini-album homonyme, on dira homonyme ici, rendra enfin disponible à tous les musiques du trio Sorello Montréalais. Les 5 pièces composant le EP confirment le côté pop assumé du trio et témoignent du même coup de l'agilité des membres à façonner des mélodies velcro. Sur cet enregistrement, vous retrouverez 2 des 3 pièces qui ont fait connaître le groupe, soit Par Par le loup, ah, ben non, j'avais jamais entendu ça, et Dorval, un titre qui a d'ailleurs fréquenté le sommet de quelques palmarès radiophoniques québécois, dont C'est fou, j'ajoute ici. Vous pourrez également y entendre 3 nouvelles chansons. Voilà. Sur le mini-album, la pièce Scaphandre est un bunny. Elle vous plonge dans l'intimité du groupe et vous place au cœur de l'interprétation, au centre de la grande salle, un peu comme si vous assistiez à l'enregistrement. Allez voir myspace.com/ On a créé un monstre sans les accents pour en savoir plus sur le groupe. Ils vont être en spectacle le 4 avril à 21h au Pub O'Callaghan's avec Major. Ça, c'est à Sorel. Major qu'on va entendre un petit peu plus tard à l'émission. Oui, c'est vrai. Et le 24 mai au Vert Bouteille avec Beta. Ça, c'est à Montréal. Je rappelle l'adresse myspace.com/ On a créé un monstre. On reste du côté francophone pour aller entendre un homme qui s'appelle Patrick Plot. Hein, c'est le projet solo, ça, donc du chanteur de Plagiat, si je comprends bien. Hype Why est le nom de l'album. Patrick Plot et son site web, on commence par les 3 pièces de son album. Hype Why, on va entendre Bocalophobe et Linocéros. Mais on commence avec Anti-Génie tout de suite dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.fr. Belle et grosse corporation. l'écoute. L'enfant qui sommeille en moi me demande si je suis libre de faire de mes pas une danse. Tous ces gens qui marchent dans les rues, libérés de tous leurs démons, en chantant chacun leur chanson. Et la mère se souvient, Fillette, et se sent bien. Beaucoup trop de questions, ravagées par la corne. Patrick Plou est bocalophobe. Dans le poste d'écoute, c'est fait son album Hype Moi. Alors ça, c'était Linocéros et Antigénie, et première pièce de cet album-là, Hype Moi. Très, très bon. Moi, j'ai bien aimé. Patrick Plou, qui est... Pardon. C'est le projet solo en français du membre fondateur du groupe Plagiat qui tourne sur nos ondes en palmarès anglophone. Patrick vient de Montréal. Son album Hype Moi est en magasin depuis le 10 mars. C'est du French pop rock mélodramatique. Selon son MySpace, sur myspace.com/PatrickPlou. PatrickPlou.com est son site web. Il fait la voix, la guitare, le piano et la frog. Il va être en entrevue à plein d'endroits en ce moment, là, à tête d'affiche sur Vox Montérégie, à la première chaîne de Radio-Canada, plein d'autres places. Et en spectacle le 24 avril à 20h au Quai des Brumes avec Plagiat, justement. Et ça, c'était à Montréal. Je vais lire rapidement, parce que je sais que c'est peut-être un petit peu déprimant de m'entendre parler comme ça, avec cette voix-là. Patrick Plou s'est fait connaître en 2008 avec le groupe anglophone Plagiat et l'album Beautiful Explosion, pour lequel il avait composé la majorité des paroles et des musiques. Beautiful Explosion fut nominé pour le Grand Prix de la Relève Archambault 2008, en compagnie de Tricot Machine, Samian Alfarococo, Gaël Ski et Bruno Marcille. Avec son premier projet solo, Hype Moi, réalisé par Guy Dubuc et Marc Lessard, ou Bobby Bill, explore des thèmes à la fois urbains et onirique. Certaines chansons font même référence à son côté nerd et internet, oh j'adore, qui lui colle à la peau depuis sa tendre enfance. Élevé dans un univers musical, son père était DJ et opérait une discothèque mobile. C'est avec ce premier effort francophone, dont les chansons ont été composées entre 2002 et 2008, qu'il affirme avoir affiné un style propre d'écriture et qu'il décrit comme teinté d'une naïveté contrôlée, un peu Peter Pan. Je laisse aller lire le reste du texte sur son site patrickplou.com ou encore myspace.com/PatrickPlou. Voilà. Pour lui, et son album s'appelle Hype Moi. On reste du côté francophone pour aller entendre une formation qui s'appelle Les Tire-Bouchons. Leur album est trop bon pour la radio. Oui, c'est le titre, trop bon pour la radio. C'est intriguant quand même, on va entendre les premières pièces. Commençons avec Tire-Bouchons Anthem, dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, en même temps que vous, au 89.1 FM. OK la gang, le chum JP Levasseur pour votre émission préférée, Radio Choléra, sur les ondes de la radio numéro 1 au Québec, le 97.3 CDLV, la radio qui vous offre avant tout le monde le nouvel album de Madonna, qui vous fait faire le tour du monde avec les gars de Simple Plan. On a aussi des dizaines de t-shirts, non des centaines, et oh, on m'annonce à l'instant qu'on aura des milliers de t-shirts et casquettes à faire tirer. Tout ça sur CDLV 97.3, la radio du vrai monde. Bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet de mon émission d'aujourd'hui. Vous savez, à chaque semaine, je reçois des milliers de courriels puis des centaines de démos dans ma boîte aux lettres personnelles. Puis on s'en cachera pas, pour un bon, j'en reçois au moins une cinquantaine de mauvais. Mais là, je pense qu'on a affaire au comble de la médiocrité de ce qui peut se faire en musique émergente au Québec. Premièrement, le nom, Les Tire-Bouchons, franchement... C'est pas winner, c'est un bel exemple de la génération Y, une génération sans repères qui baigne dans les vapeurs d'alcool. C'est un jeune groupe qui tente de faire leur marque dans le paysage culturel québécois en s'attaquant à Garou, un pilier de l'industrie, en s'autoproclamant trop bon pour la radio. Ah, ça sonne comme du cowboy fringant, ça sonne comme du trois accords, on l'a entendu 100 fois. Il n'y a absolument rien d'innovateur dans cette musique-là. Tout ce qu'ils ont à nous offrir, c'est de se costumer durant leur show. Facile! Hey les drag queens! Vos parents vous ont pas élevé? Il me semble qu'il y a des coups de pied dans le derrière qui se perdent quelque part, hein? En tout cas, je vous laisse juger par vous-même, parce que de toute façon, je suis vraiment pas du genre à parler pour les autres. Vous allez voir, c'est de la marde. Tire-bouchons, bouchons, bouchons les tirs, bouchons, bouchons, bière est portée. Guinness, je dors et je me prépare pour faire le party. Le bruit du vent, le bruit du vent, l'absence du temps, l'absence du temps me font sentir en train de guérir. Fini le travail, fini le travail, plus de détails, plus de détails. C'est les vacances, on retombe en enfance. Plus de pression, plus de pression sur mes épaules, sur mes épaules. Et mon patron n'a plus qu'on tourne. Le soleil brille, le soleil brille. Tu déshabilles, tu déshabilles. Sors ton maillot, tu jettes à l'eau. Un peu plus tard, un peu plus tard, quand il fait noir, quand il fait noir, sors ma guitare et on joue un pétard. On fait un feu, on est heureux et tout s'en va. On chante des chansons. Salut, c'est Vincent, c'est Alex, Toby, Rémi et Alex. Nous sommes les Tire-Bouchons. Vous écoutez notre chum JP Levasseur sur les ondes de CDLV Radio Choléra. C'est fou. 89. Charmante tirelire humaine, remplissez-moi un coup de dizaine. J'ai une petite fente dans le bas du dos. Petit cochon deviendra gros. Je dépense, donc je suis. Tout à un prix, rien n'est gratuit. C'est une folle ruée vers l'or comme pour payer ses épines. Dans le fric, une saveur en plus fort. Je veux que le gazon soit toujours plus vert de mon côté. Le vrai bonheur dans la vie, c'est d'être en pied. J'ai de l'argent liquide qui me coule dans les veines. Que voulez-vous, je te tire les rumaines. Que voulez-vous, je te tire les rumaines. Ah ah! Que Dieu bénisse l'Occident. Ici, y a pas de place pour les perdants. Tu peux toujours gratter ta vie à la loterie. Vends tes amis pour livrer ton profit. J'ai le sourire perpétuel, vive le bonheur artificiel. Un trône pour aller à la selle. Parlez-moi pas de la pauvreté, des petits malheurs de la société. C'est un coup de masse sur ma fierté. Je veux que le gazon soit toujours plus vert de mon côté. Vrai bonheur dans la vie, c'est d'être en pied. J'ai de l'argent liquide qui me coule dans les veines. Que voulez-vous, je te tire les rumaines. Que voulez-vous, je te tire les rumaines. Je suis vide et avide. L'argent n'a pas d'odeur, d'autant plus qu'il fait le bonheur. Au nom du capital, je suis prêt à prendre une balle. Le temps c'est l'argent, plus t'en as, plus tu vis longtemps. Hey! Les tire-bouchons et tire-lire humaine dans le poste d'écoute de C'est fou. Avant ça, c'était Congé payé et tire-bouchons Anthem. C'est leur album trop bon pour la radio. Vous avez entendu leur petit monologue très drôle, les tire-bouchons. C'est un groupe qui vient de se marquer sur leur MySpace, Turbs Valley, au Québec. Un groupe de folk rock ska alternatif. MySpace.com/les tire-bouchons ou encore tire-bouchons.qc.tc. Les membres sont Toby Laflamme à la voix et la guitare, Alexandre Proux à la voix et la guitare, Vincent Picard voix et basse, Rémi Giguère guitare lead et Alexandre Alx ou ALX, Alex Daisy, à la batterie. L'album est en vente maintenant au Musigo de Terrebonne. C'est en décembre 2003 que trois chums de hockey se sont, par un soir de semaine, réunis pour la première fois dans un cadre musical. L'un, Rémi, jouant de la guitare en solitaire depuis quelques années. Le second, Prou, ex-trompettiste de la classe de musique de l'École des Rives, mais sans trop de compétences musicales. Et l'autre, Vincent, un petit clay punk rocker, jouant de la basse depuis environ 6 mois. Il faut mentionner qu'à l'époque, Alexandre ne jouait même pas de guitare et envisageait de s'acheter une batterie. Waouh, il y a beaucoup de trop de détails là-dedans pour moi. Bref, voilà, ils ont un album, puis il s'appelle Trop bon pour la radio. Puis le texte est sur leur MySpace, ça vous intéresse de lire les détails au grand complet. Les tire-bouchons, Trop bon pour la radio, peut-être. On continue avec une pièce en fait qui vient d'arriver assez fou cette semaine et c'est juste une pièce tout seul. Ça vient d'une formation qu'on aime quand même parce qu'ils ont joué beaucoup assez fou avec leur album La vie qui fit avec la tapisserie. On parlait de Major Bidet. Le groupe continue et renaît de ses cendres avec les mêmes membres exactement, mais un style de musique un peu différent. Il s'appelle maintenant Major, M-A-H-J-O-R. On va les entendre avec une pièce qui s'appelle Ping Pong. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.fm. On découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Ça c'est fou. C'est fou ça. Ça veut nous détruire. Est-ce que ça te choque? Prends tes affaires, on s'en va. On viendra sûrement pas pour y retourner encore. On a beau faire le tour du monde, changer de ville, changer les choses, pour se perdre dans les mêmes histoires qu'on se raconte. On se brasse de bord. Je t'aime. Major est la pièce Ping Pong dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. Très bon comme toujours du Major. C'est la seule pièce qu'on a de leur futur album. L'ancien Major bidet avec la vie qui fait avec la tapisserie, l'album qu'on adorait ici à C'est fou il y a quelques temps. Bref, ils sont de retour. Major, folk rock, power pop, French pop, c'est ce qu'ils disent sur leur MySpace. MySpace.com/Major 2008. Je rappelle le spectacle qui va avoir lieu le 4 avril à 20h au Pub O'Callaghan's de Sorel avec la formation On a créé un monstre que vous avez sûrement entendu en début d'émission. Major.ca aussi, leur site web MAHJOR.ca. Le temps file, la première heure du poste d'écoute est presque terminée. On découvre les nouveautés musicales tous ensemble, vous le savez. On a reçu Rêver Logique, 12 chansons engagées pour un Québec sans pauvreté. Là-dessus, il y a plein d'artistes. Paul Carniello, CEA, La Loi des Cactus, Eve Cournoyer, Olivier Brousseau, Nicolas Jobin, bref, un paquet de gens là-dessus. Mais moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est une pièce que vous connaissez, je joue un peu ailleurs, mais pas la version orchestrale. Voici Tricot Machine et Les Peaux de Lièvre dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. Éclipse du party, la neige crisse nos pieds, les flocons dansent doucement dans le vent. Mais c'est pas la faute du temps si je frissonne. Et nos mains se repèrent, et nos cœurs s'accélèrent. On se dit rien et pourtant on se comprend. Sous les premiers murmures de l'hiver, le désir nous harcèle. On coupe par les ruelles. Ça fait tellement longtemps qu'on s'attend. La nuit s'annonce si chaude et si belle. Tricot Machine est la version orchestrale des Peaux de Lièvre dans le poste d'écoute de C'est fou. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. C'est de la compilation Rêver Logique, 12 chansons engagées pour un Québec sans pauvreté. Allez voir pauvreté.qc.ca pour en savoir plus là-dessus. Mais sinon, c'est un collectif pour un Québec sans pauvreté qui lance une... En fait, ça, c'est le nom du collectif. Qui lance une compilation musicale, un projet imaginé par un artiste pour appuyer les actions du collectif. Paul Carniello est à l'origine de cette initiative. Plusieurs artistes se réunissent pour chanter le rêve logique d'une société sans pauvreté. C'est dans le cadre d'une participation à l'événement Ensemble Autrement au printemps 2008 que Paul a composé la chanson T'en as pas, avec laquelle on va se quitter, en collaboration avec un groupe de personnes en situation de pauvreté. C'est la première chanson qu'on retrouve sur ce disque, sur ce CD. Les autres artistes qui signent les chansons de cette compilation sont CEA, La Loi des Cactus et Marco Calieri, Caracol, Ève Condoyer, Tricot Machine, Olivier Brousseau, Nicolas Jobin, Matt Lipscombe, Le Rosité et Paul-André Cassidy. Provenant de différents coins du Québec et s'exprimant à travers différents styles musicaux, les artistes amènent chacun et chacune leur couleur et leur regard sur la pauvreté et sur les luttes à mener. Voilà, le disque Rêve et Logique est disponible chez tous les disquaires. Il suffit de le demander. Allez voir pauvreté.qc.ca. Comme je disais, on se quitte avec Paul Carniello et la pièce T'en attends pas. Les auditeurs des rediffusions, vous allez entendre quelques pièces de Axiotronic, un groupe que, en fait, un artiste, je sais pas, que j'adore, qui fait de l'électronique. L'album s'appelle Of Latitude and Longitude. J'ai hâte d'entendre ça. On va entendre Super Fusion. Mais ça, c'est pour les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi. Restez avec nous. On revient pour une deuxième heure dans quelques minutes. Bye bye. Bouger, danser, c'est chaud. On and on and on. Yo, back Acquis d'un million dur à cuire, les durs de la peau. Chauffé par la parole, on répand le feu sur le drapeau. Et parfois l'envie de redonner sa plume à l'oiseau. À voir comment la nature hustle. Yo, la fin du monde c'est maintenant. We all stuck in a time machine. Je sais pas de quoi je parle, j'attends juste que le printemps l'écrive. Mauvais poème dans mon cahier, j'ai m'arraché les sources. La ville est fesse de baby with pages of history books. Mais pas le temps s'alarmer, les premiers seront les derniers. Demande si je peux en rire entre deux meurtres. Je réponds hell yeah. Apocalypse might as well go on. D'ici là, je rock tout mon sang rouge, corps et âme. Il aime aussi la route du monde. Il aime assis sur une pompe. Avant de dormir dans une tombe, on veut prévenir la mort du monde. La mort du monde, on peut la prévenir. Mais tu es nos parents, te dirige sur le bon chemin. Tiens ta tête au dehors, l'avenir est à nous, mec. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Notre planète, le faux pas est une cagoule. Moi, c'est school. La rep de Québec à Capoule. Capoule, le sang coule sur les turbans pis les gars qui pêchent pour l'ONU. Un obus comme un flocon quand il neige. Nos enfants nous prêtent un monde un peu trop schizo. L'énergie qui nous pousse, c'est la même qui nous à s'ouvrir les œillères, s'unir contre même rival. La poignée d'hommes d'affaires qui décident combien nous rivales. J'ai deux doigts, pis à celles et ceux qui méritent des milites pour leurs fils et fils. Les cœurs d'élite, les taux se resserrent. Madame Nature agonise, oublie les temps sincères. C'est sur ce qu'on aime qu'on mise. Il aime aussi la route du monde. Il m'aime assis sur une pompe. Avant de dormir dans une tombe, on veut prévenir la mort du monde. La mort du monde, on peut la prévenir. Mais tu es nos parents, te dirige sur le bon chemin. Tiens ta tête au dos, l'avenir est à nous. Mais yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bon, génial. Zedapé, fils d'Afrique, gros. Comincia da te per dare l'esempio. Ma non fermarti, non fermarti. Comincia da capo se devi trovarti. Non fermarti, non fermarti. Uniti insieme più forte che il tempo. E non crescio finché cavi. Sono tasce del sangue. Ma siati di sangue. Ce ne do mille parti. Non torni lei. Si umedezza lei. Come se fosse, come se fosse la prima volta. Se fosse l'ultima volta, che una guerra, che una lotta non finisce più. forse fosse l'ultima volta, che una guerra, che una lotta non finisce più. Après le combat, après le combat, que reste-t-il? Le sentiment de s'être battu pour quelque chose d'utile. Malgré tout, impossible de rester tranquille. Il faut continuer d'avancer aujourd'hui, si l'on veut que demain le soleil brille. Si l'on veut que demain le soleil brille. Et tant que les champs seront tachés de sang, je ne dormirai pas sur mes deux oreilles. Et tant que les champs seront tachés de sang, dormirai pas sur mes deux oreilles. Bonjour, c'est la deuxième heure du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble. Je m'appelle Mathieu Plante. J'avais annoncé à la fin de la première heure qu'on entendrait Axiotronic et je préfère l'entendre en direct, donc on va l'entendre dans quelques secondes. À la place, pour les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi, vous avez entendu une troisième pièce de Rêver Logique. Allez voir le unechance.com pour en savoir plus. Donc Axiotronic, leur album s'appelle Of Latitude and Longitude. Je sais que j'aime ça, c'est de l'électronique et c'est vraiment mon style de musique. On commence tout de suite avec Super Fusion dans le poste d'écoute. C'est fou! Poste d'étouffe. Axiotronic avec Vector Sector, précédé de Superfusion de leur nouvel album Of Latitude and Longitude. Axiotronic, un groupe de Philadelphie en Pennsylvanie. Allez voir myspace.com/axiotronic ou encore axiotronic.com. Et en fait, c'est pas un groupe. Hein? Moi, je suis dans ces affaires-là, je dis tout le temps groupe, mais c'est pas groupe. C'est Mike Spinka sur Electronic Eel Records. Allez écouter ses pièces, c'est vraiment très, très mon genre de musique. 11 pièces là-dessus, electronicheel.com. On retourne du côté francophone, comme on le fait depuis le début de l'émission. En fait, on a entendu plein d'affaires en francophone. Ce groupe-là s'appelle Krasputin. Leur album est Peur et dégoût à Kandahar. Lancement de l'album le 1er avril lors d'un 5 à 7 au bistrot de Paris sur Saint-Denis à Montréal. Il va y avoir une prestation aussi. MySpace.com/KrasBand. On en parlera un petit peu tantôt. On va entendre les premières pièces. Il va y avoir Spermatron et Shaïda. Mais on commence avec la roulette russe dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Sans mirar Rasputin et Saïda, précédé de la roulette russe. Ça veut dire l'album Peur et Dégoût à Kandahar dans le poste d'écoute. J'avais prévu passer la troisième, Supermatron. Mais un petit peu trop intense pour le matin, je pense. Ça me fait un peu de bonheur pour ce genre de musique-là. Mais bon, c'est un style musical que j'aime pas, mais que peut-être que vous aimez. Donc, le groupe est Kraspoutine. Leur MySpace est au myspace.com/krasband. Et d'ailleurs, je suis en train de le visiter en ce moment pour me renseigner sur le groupe qui vient de Montréal. C'est du rock, selon eux. 1er avril, 17h, il y a un spectacle au bistrot de Paris, à Montréal. C'est le lancement de l'album Peur et Dégoût à Kandahar. Les membres sont Sam Crass à la basse et la voix, Machine Gun Mart à la batterie et Appetite Pat à la guitare. Influence, la guerre, l'alcool et la fin du monde. Nos tunes parlent de guerre, de son héroïsme. Autant que... héroïsme? Ok. Peut-être héroïste? Je sais pas ce que ça veut dire. Autant que de ses horreurs. Tu veux de l'amour? Ben va te crosser. D'accord. Ça, c'est une citation, donc c'est pas moi qui l'ai dit. myspace.com/crassband, c'est Peur et Dégoût à Kandahar, leur album. J'aime pas ça. On continue avec la musique de Herman Doon. Son album s'appelle Next Year in Zion. On va entendre, j'espère, les trois pièces. When the Sun Rose Up This Morning, Try to Think About Me, Don't You Worry a Bit. Mais on commence avec On a Saturday, on a poste d'écoute de C'est Fou au 89.1. On a Saturday, we had a date. For the best day of the week, I said I would meet you by the gate. And then I kissed you on the cheek. We could go for a sunset by the docks, throw stones to the water and watch them sing. You asked me for a lighter and I handed you a matchbox. And I watched you smoke as the sky turned pink. On a Saturday, on a Saturday, you were all I could care for. On a Saturday, on a Saturday, you were all I was there for. Saturday, there was dust in my eye, and he told me you knew how to remove it. I said tonight is a night for you and I, and I intend to prove it. If you care for a ride, then I could show you around the city is so pretty in the fall. You said drive me uptown, you said drive me downtown. It doesn't matter to me at all. On a Saturday, on a Saturday, you were all I was there for. On a Saturday, on a Saturday, you were all I could care for. Charles on the radio, listen to the beat. Dancing is automatic. You couldn't sit still, you were jumping in your seat, and you were looking fantastic. On a Saturday, nevertheless, you told me you could not stand the rain. I said, baby, I will take you to Los Angeles on a silver-plated plane. Hey, on a Saturday, on a Saturday, you were all I could care for. On a Saturday, on a Saturday, you were all I had to pray for. On a Saturday, on a Saturday, you were all. You were all I had a prayer for. poste d'écoute. I wonder what you dream about when you're sleeping and I hold you. Do you remember some of the many stories that I told you? And if you find yourself in Alaska, crawled up by a big bear, and if you feel like there is a big bomb going through your hair, well, I hope that you hear a song to your ear with a groove so jazzy and a voice so clear. You see, don't you worry a bit, try to think about me. Don't you worry a bit, try to think about me. See the hyena and the monkey fighting in the sun. See the marauding bandit shooting his gun. In the hot heat of the summer, when the rivers run dry, and at the dawning of a millennium with no supply, in the looted shop with the window smashed, with a crooked cop investigating for cash. You see, don't you worry a bit, try to think about me. Don't you worry a bit, try to think about me. And in the land of our forefathers, covered in dust, people were dying. They were sick to their gods. And you saw the holy shore infested with sea lice and kelp. You saw the sovereign king crying for help. And you move your hip and you tighten your grip, and then you bring your lip onto my lip. You see, don't you worry a bit, try to think about me. Don't you worry a bit, try to think about me. Don't you worry, don't a, you bit. Worry a bit, try to think, try about, to think me. About me. Don't you worry, don't a, bit. You worry a bit, try to think, try to think about me. Poste d'écoute. There was a cold wind blowing from the north and to the south. There was a cold wind blowing from the north and to the south. There was a cold wind blowing from the north and to the south. But when the sun rose up this morning, my baby kissed me on the mouth. My baby kissed me on the mouth. My baby kissed me on the mouth. When the sun rose up this morning, my baby kissed me on the mouth. And I was bitten by a snake, and I was stung by a bee. I was bitten by a snake, and I was stung by a bee. I was bitten by a snake, and I was stung by a bee. But when the sun rose up this morning, my baby sang a song for me. My baby sang a song for me. My baby sang a song for me. When the sun rose up this morning, my baby, she sang a song for me. This life is a state fair, and love is an incredible ride. This life is a state fair, and love is an incredible ride. This life is a state fair, and love is an incredible ride. And when the sun rose up this morning, I had my baby by my side. I had my baby by my side. I had my baby by my side. When the sun rose up this morning, I had my baby by my side. Her favorite child. Well, my mother, she said my brother was her favorite child. Well, my mother said my brother was her favorite child. But when the sun rose up this morning, my baby looked at me and smiled. My baby looked at me and smiled. My baby looked at me and smiled. When the sun rose up this morning, my baby, she looked at me and smiled. And it was thunder clouds and lightning bolts in the sky above me. And it was thunder, it was lightning in a thick cloud above me. Thunder and it was lightning in a thick cloud above me. But when the sun rose up this morning, my baby, she told me that she loved me. My baby told me that she loved me. My baby told me that she loved me. When the sun it rose up this morning, my baby, she told me that she loved me. She did. Pardon, c'est Herman Dune avec l'album Next Year in Zion, on a entendu au début On a Saturday. Après ça, c'était Try to Think About Me, Don't You Worry a Bit. Et ça, c'était ce qui vient tout juste de jouer When the Sun Rose Up This Morning. Il y a plein d'autres pièces avec de très très longs noms sur son album Next Year in Zion. Album qui est sorti dans le coin de l'été, de l'automne 2008, mais on vient de le recevoir ici à C'est Fou. C'est du surf folk grunge de Monte Carlo, New York, Israël. D'accord, ils vont être en spectacle. En fait, ils étaient en spectacle il y a deux jours, le 11 mars. À 20h au Élimatorais de Montréal. Là, ils sont en Ontario, New York, Texas, Colombie-Britannique, un paquet de places comme ça. Et je vois pas d'autres dates dans notre coin. Mais allez voir myspace.com/ The Real Herman Dune. Sinon, allez voir hermandune.com pour plus d'informations sur le groupe. Mm-hmm. On s'en va du côté canadien. Tiens, pour aller entendre... Non, pardon. Je m'excuse, je ne suis pas dans l'ordre. On s'en va entendre une formation de punk. Rude Boy avec l'album 2. Juste 2, comme ça. Ou peut-être Rude Boy 2. On va entendre Cheesecake Surround tantôt, mais pour l'instant, voici Stand Your Ground. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales. Ah, c'est fou! 89 ans. Phone will never ring, but the voice says that you're hearing. Well, that's just not my thing. She's always on my mind. And no matter what I do, I can't seem to find any way to get through to you. She's always on my mind. And I wish it were true. She's always on my mind. 24/7, 52. La formation ontarienne Rude Boy et la pièce She Skanks Around précédée de 24-7-52. On a débuté avec Stand Your Ground de leur nouvel album Rude Boy 2. Oui, groupe de Ottawa en Ontario. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je m'attendais pas à aimer ça. C'est du punk, tu sais. En tout cas, c'est du punk en gros. C'est plus du ska pop reggae selon leur MySpace ou MySpace.com, / Rude Boy Canada. Disons que notre nombre de catégories est plutôt limité ici, assez fou. Allez voir myspace.com, /Woodboy Canada, comme je disais, pour apprendre le nom des membres du groupe. Scott Allen, Matt Wood, Steve Burke, Greg Simon, Colin Burns, Marshall Stack. C'est beaucoup de gens dans un si bon groupe. Voilà, c'est tout. Les infos que j'ai pour Woodboy, l'album est tout. On passe à un autre artiste canadien, c'est Sal Lima avec son album Better Day. C'est ce qui va terminer cette deuxième heure pas mal du poste d'écoute. Voici tout de suite Better Day, la pièce presque titre. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.1 FM. C'est fou ça! Trees. Please believe me if you can. There'll be days like this again. Phases come and go, but some things never change. By the brimming river, true love will remain. It always lingers on my mind. another day goes by. There will be no broken promises, and there'll be no more stormy skies. I'll be with you when it's over. You'll be leaning on my shoulder for some time. This earthly space. Now it seems I'm left with memories to embrace. Treasured moments never end. As long as I remember when. Sal Lima et I Remember When, précédé de Better Day de son album A Better Day dans le poste d'écoute. Alors qu'on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble, il nous reste quelques secondes à peine pour terminer cette deuxième heure. On va se quitter avec un extrait de la troisième pièce qui s'appelle Indian War and Peace. Les auditeurs de la rediffusion du samedi et du mercredi vont l'entendre au complet, ainsi qu'une autre pièce, Spaghetti Western. Dans la troisième heure, il va y avoir Bel Orchestre, un groupe que bien des gens aiment. Ils sont sur Arts and Crafts, donc ça doit être pas mal bon. Hein? L'album s'appelle Seen Through Windows. On va aussi entendre Black Diamond Bay avec Calm Waits et Wildlife avec leur album homonyme. Tout ça dans la troisième heure du poste d'écoute, mais pour l'instant, Sal Lima. Et puis on se retrouve tantôt. Bye bye! Sweeping winds what my people can. My people can. Bonjour, c'est la troisième et dernière heure du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, il va y avoir Wildlife avec leur album du même nom. Il va y avoir Black Diamond Bay avec Calm Waits. On commence avec Bell Orchestre, une formation dont on entend pas mal parler dans les médias alternatifs depuis quelques temps. C'est sur l'étiquette Arts and Crafts, les mêmes que qui déjà Stars, il me semble. Enfin, Bell Orchestre, leur album est As Seen Through Windows. Et tout de suite, voici Stripes au 89.1 FM.

Bel Orchestre ou Bel Orchestra avec leur album As Seen Through Windows. Ça, c'était la pièce Icicles, Bicycles. Avant, il y a eu Elephants et Stripes. Bel Orchestra, un groupe de Montréal. L'album est sorti le 10 mars dernier. Vous pouvez aller voir le myspace.com/belorchestre ou encore belorchestre.com. Les membres sont Richard Reed, Sarah, Steph, Pietro, Cavet et définitivement Mikey. C'est ce qui est écrit sur leur site. Ils vont être en spectacle le 16 avril à 20h au Théâtre Granada de Sherbrooke. Ensuite, ils vont passer par Québec et Montréal. Ça, c'est au La Tulipe. Et puis ensuite, ils vont en Ontario, à New York et dans le Massachusetts. Donc, grosse affaire pour Bel Orchestre qui est signé sur Arts and Crafts, comme je disais un petit peu plus tôt. Et oui, The Stars est bien sur Arts and Crafts, mais il y a aussi Passover Vassal, Broken Social Scene, les Constantines, Feist, Gonzalez et un paquet d'autres artistes de Dears the Stills. Ça n'arrête plus. Allez voir arts-crafts.ca. Mais donc, le nom du groupe est Bel Orchestre et l'album s'appelle As Seen Through Windows. On reste du côté canadien pour l'entendre. Black Diamond Bay. L'album est Calm Awaits. Tout de suite, voici Mother's Arms. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à la Radio Campus de Trois-Rivières. Le 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. This love Restez là, en retour, il y a plus de Black Diamond B. Et on découvre Wildlife dans le poste d'écoute au 89.fm. Black Diamond Bay et la pièce Brothers in Exile, précédée de What We Wanted et de Mother's Arms de leur nouvel album Calm Awaits. C'est super bon, ça. Je prédis un bon futur pour Black Diamond Bay, c'est assez fou. Bref, groupe montréalais, myspace.com/Black Diamond Bay. Ils sont en tournée canadienne et américaine en ce moment, mais ils vont passer par Montréal le 4 avril à 20h au Divan Orange pour le lancement de leur album. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dates de spectacles sur leur MySpace. Les membres sont André Bundahan à la basse, George Donoso III à la batterie, Patrick Creef à la voix et la guitare, Roberto Piccioni au clavier. Et voilà pour Black Diamond Bay. Leur album est Calm Awaits. Vraiment très, très bon. Ça mérite un beau petit cœur. On reste dans le Canadien pour l'entendre, Wildlife. Leur album s'appelle aussi Wildlife. C'est un maxi, donc seulement 5 pièces. On va entendre les premières. Commençons par Little Darling. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble, au 89.1 FM. C'est fou! You on the run, broke your back in. Wildlife est la pièce Last Get It Right, précédée de Dream I Never Had et de Little Darling. C'est les pièces qui ouvrent leur album qui s'appelle aussi Wildlife. C'est la fin du poste d'écoute pour cette semaine. Donc, je vais parler de qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui. Alors, regardez-moi ça, la liste est longue. Vraiment beaucoup de bonnes choses. On a créé un monstre avec leur nouveau maxi. Patrick Plo, Axio Tronic, Herman Dune, Rude Boy, Sal Lima, ou Lima, Bell Orchestra. Mais mon poste d'or de cette semaine se trouve à être Black Diamond B, qu'on a entendu il y a quelques minutes à peine. J'ai adoré ça. Allez voir lunechance.com pour découvrir ces albums, ces artistes en visitant leur site et en écoutant tout ça. Encore une fois, en balado-diffusion, ce poste d'écoute. Deuxième, troisième, quatrième fois, c'est de meilleur en meilleur. Hein? Vraiment, la voix s'améliore du début à la fin de l'émission. Donc voilà, on se quitte tout de suite. Et puis les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi vont entendre d'autres pièces de Wildlife. Il va y avoir Yours and Mine et sûrement Shoot the Birds. Nous, on se retrouve vendredi prochain à partir de 10h pour une autre édition du poste d'écoute. On est en rappel les samedis à midi et les mercredis à 13h. C'est Rock Classique qui suit avec Alain Lefebvre le vendredi. Je vous retrouve aussi dans CLX et dans les palmarès C'est fou, mais retenez rien de ça et restez assez fou pour m'entendre toujours. Bye bye! all the birds in the skies if you can hear them. Skin leaves from the trees before the breeze comes to get them. Before you go down, before you ever make a sound. To the ground.